Comment direz-vous « Pourquoi est-ce que vous ne m'attendez pas ?» Vous voyez votre interlocuteur. « ¿Por qué no me espera ?» D'accord. « ¿Por qué no me espera ?» Et « Pourquoi est-ce que tu ne m'attends pas ?» ¿Por qué no me esperas? ¿Por qué no me esperas? Très bien. Et comment dites-vous « Pourquoi est-ce que vous ne m'attendez pas ?» Cette fois, vous vous adressez à « ustedes ». ¿Por qué no me esperan? D'accord, c'était clair. Et si vous dites à quelqu'un que vous voyez « Attendez », vous direz Espere. C'est ça. Vous avez interverti le A avec le E de chacune des deux catégories de verbes. Espere. Espere un momentito. Attendez un instant. Un momentito, c'est un petit moment, un instant. Comment direz-vous attendez-moi ici? Attendez-moi ici. Espere-me. Oui, c'est ça. Espere-me ici. À qui? À qui? Espérez-moi à qui? Nous vous attendons. Vous vous adressez à usted. Nous vous attendons. Les esperamos. C'est ça. Les esperamos. Et si vous voulez demander est-ce que nous vous attendons, il suffit de dire la même chose, mais avec une intonation interrogative. Les esperamos. Encore une fois. Les esperamos. Les esperamos. Les esperamos. Bien. Les esperamos. Est-ce que nous vous attendons? C'est ça. Comment direz-vous attendons ici? C'est un ordre. Donc, au lieu de esperamos, vous devez remplacer le amos par. Au lieu de amos, au lieu du a, on a un. Et, hemos. Et, oui. Donc, a devient et ça donne hemos. Nous attendons, c'est. Esperamos. Ok, mais attendons, un ordre, attendons, c'est. Esperemos. Esperemos. Donc, attendons ici. Ça serait Esperemos aquí. Esperemos aquí. Esperemos aquí. Et comment direz-vous nous l'achetons? Lo compramos. D'accord, lo compramos. Et nous ne l'achetons pas? No lo compramos. No lo compramos. Dites, ne l'achetons pas. C'est un ordre. Ne l'achetons pas. No lo compremos. C'est ça. No lo compremos. On est passé du amos au hemos. No lo compremos. Comment dites-vous, nous mangeons tous les jours au restaurant? Comemos. Comemos, c'est ça. Tous les jours. Todos los días. Todos los días, c'est ça. Au restaurant. O se dit en el. Donc, au restaurant. En el restaurante. Encore une fois, il faut tout entendre. Restaurante. Restaurante. D'accord. Comemos todos los días en el restaurante. Et par contre, si vous dites mangeons au restaurant, comamos en el restaurante. C'est un ordre. Comamos en el restaurante. Pour dire ne m'attendez pas, vous vous adressez à usted. No me espere. Oui, no me espere. Ne m'attendez pas. hein, nome, espere. Et comment dites-vous attendez-moi? Esperame. Essayez encore une fois. Espereme. C'est ça. Espereme. Hein? Espereme. Attendez-moi. Comment direz-vous attends-moi? Hein? Pour les tutoiements, il n'y a pas d'inversion des sons clés, si l'ordre est affirmatif. Donc, attends-moi. Espérame. Tout à fait. Espérame. Hein? On conserve le A de esperar et, par contre, on n'ajoute pas de S. Espera. Espérame.